بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنواصل في فضل رب البرية بشرح الدرر البهية لشيخنا علي بن مختار الرملي حفظه الله تعالى. Donc nous continuons dans l'explication de Durar al-Bari, Durar al-Bahiyya, qui est l'explication du Cheikh Ali Ramli, qu'Allah le préserve, qui est Fadlu Rabbi al-Bariyya, Bisharhi Durar al-Bahiyya. Donc nous avons vu dans le cours précédent Babu Salat al-Khawf, la prière de la peur. Et nous avons vu les différentes manières de le faire, ce qui est venu dans le Coran et ce qui est venu dans les Ahadiths. Et aussi nous avons dit que lorsque la crainte ou la peur est intense, il y a aussi une manière de le faire, et c'est rijalan aw rukbana. On le fait en marchant ou bien même en étant sur une monture, selon la direction que nous avons prise. Donc haza, c'est venu, et aussi selon l'intensité aussi de la peur. Normalement à la base, Salat al-Khawf c'est 2 rakat. C'est comme Salat al-Musafir. Mais on peut aussi le faire 1 raka lorsque la peur s'intensifie. Donc nous avons vu tout cela. Donc aujourd'hui, nous allons rentrer dans un nouveau chapitre qui est Babu Salati Safar. Chapitre, la prière du voyage. Dans d'autres kutub de fiqh, d'autres livres de fiqh, ils disent Babu Salati Al-Musafir, la prière du voyageur. Tayyib, ce bab, ce chapitre est tellement important parce que la majorité d'entre nous ici, on voyage beaucoup, surtout à cette époque où le voyage est devenu beaucoup plus facile. D'autres voyages pour aller travailler, d'autres voyages pour d'autres choses. Donc, l'auteur du livre, l'imam Shawkani, il dit Yajibu al-Qasr. Il dit Yajibu al-Qasr. Al-Qasr, c'est le raccourcissement de la prière. Et le Qasr se limite seulement à 3 prières. Ça va? Salat al-Zuhr, Salat al-Asr, et puis Salat al-Aisha. Quant aux autres prières, Maghrib reste comme tel et le Fajr reste pareil. Donc l'imam Shawkani dit ici Yajib al-Qasr. Il dit c'est obligatoire de raccourcir. Donc ça veut dire, selon lui, dès que tu voyages, c'est une obligation de raccourcir la prière. Taïb, on va voir ce que dit le Cheikh Ali Ramli. Il dit Salat al-Safar, la prière du voyage, laha ahkamun khassatun biha, a des jugements spécifiques à elle. Minha al-qasr. Parmi ces jugements qui sont spécifiques, il y a le raccourcissement. La khilafa bayna ahli al-ilmi. Il n'y a pas de divergence entre les gens des sciences. Fi mashru'iyyati qasri salati rubaiyyati fi safar. Dans le caractère légitime de raccourcir la prière de 4 rak'ah, c'est ce qu'on appelle salat ruba'i, la prière de 4 rak'ah dans le voyage. Donc il n'y a pas de divergence entre les gens de science sur cela. C'est-à-dire la prière de 4 rak'ah, tous les savants sont unanimes qu'on peut raccourcir ces prières de 4 rak'ah dans le voyage. Wahia, et quelles sont ces prières-là? Al-Dhuhr, Wal-Asr, Wal-Isha. Ces trois prières. Ça va? Al-Dhuhr, c'est ce que les Bambara appellent Sirifana. C'est ça? Asr, Lanzara. Et puis Isha, Safo. C'est ça? Donc ces trois prières peuvent être raccourcies biznillahi tabaraka wa ta'ala. Il n'y a pas de divergence. Yusalliha al-musafiru. Le voyageur les prie raka'ataini, deux raka'a. Ouzaifa, viens t'asseoir ici. Il les prie deux raka'a. Dalla zalika al-kitab wa sunna wal-ijma'a. Le Coran et la Sunna et le consensus indiquent cela. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah béni soit-il et qu'il soit élevé, dit dans sourate An-Nisa, wa idha darabtum fil ardi, si vous parcourez la terre, falaysa alaykum junah. Le junah ici c'est al-ithm. Il n'y a pas de péché sur vous. En taqsuru, que vous raccourcissez minas salati, de la prière, in khiftum, si vous craignez, an yaftinakum, que vous éprouve alladhina kafaru, ceux qui ont mécru. Tayyib. Qala Ya'la ibn Umayyah. Ya'la ibn Umayyah, il dit qultu li Umar ibn Khattab. J'ai dit à Omar ibn Khattab, faqad amina an-nas, les gens sont en sécurité maintenant. Parce que regardez dans le verset ici, Zahirul Aya, Allah dit, vous n'avez pas de péché à raccourcir la prière si vous craignez que les mécréants vous éprouvent. Donc, Ya'la ibn Umayyah, il dit à Omar ibn Khattab, il dit, mais les gens sont en sécurité maintenant. Donc ça veut dire qu'il ne doit plus raccourcir selon le verset. Parce qu'Allah dit, il n'y a pas de péché sur vous de raccourcir la prière in khiftum. Si vous craignez, an yaftinakum alladhina kafaru, que les mécréants vous éprouvent. Donc, Omar lui dit, ajibtu mimma ajibta min. J'ai même été étonné de ce dont tu es étonné. Ça va? Parce que il n'y a plus de crainte, donc il n'y a plus, selon le verset, il n'y a plus raison de raccourcir la prière, n'est-ce pas? Mais ils ne se sont pas basés sur leur compréhension. Omar ne s'est pas basé sur sa compréhension. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَنْ ذَلِكَ. Voici l'importance de revenir au savant. Il dit, j'ai posé la question au messager d'Allah صلى الله عليه وسلم أَنْ ذَلِكَ, au sujet de cela. فقال, il a dit, صَدَقَةٌ, c'est une aumône, تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ, qu'Allah vous a donné comme sadaqa. Malgré qu'il n'y a plus de crainte, si vous voyagez, raccourcissez. C'est une sadaqa pour vous. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم دي فاقبلوا صدقته دي accepté la صدقة الله c'est une صدقة أي ستدير كلا الصدقة قصر الصلاة في السفر le raccourcissement de la prière en voyage ça va parce que celui qui se base sur Zahir al-Aya dira que aujourd'hui on ne doit plus faire le qasr parce qu'Allah dit in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru n'est-ce pas mais Omar ibn Khattab il a été étonné aussi mais il ne s'est pas limité à sa compréhension il allait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a posé la question Tayyib قال ابن منذر ابن منذر دي أجمع أهل العلم les savants sont unanimes على أن لمن سافر que celui qui voyage سافرا يقصر فيه مثله الصلاة donc celui qui voyage d'un voyage dont on raccourcit la prière وَكَانَ سَفَرُهُ et son voyage est في حَجٍ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ جِهَادٍ dans le hajj son voyage est le hajj ou bien umra ou bien jihad أَنْ يَقْصُرَ الزُّهْرُ وَالْعَصْرُ وَالْعِشَاءُ il doit raccourcir la prière de zuhr de asr et de Aïcha, فَيُصَلِّ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهَا رَكَعَتَيْنِ رَكَعَتَيْنِ فَيُصَلِّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهَا كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهَا رَكَعَتَيْنِ رَكَعَتَيْنِ Il prie chacun de ses prières-là, deux rakats. Mais ça doit être dans un voyage dont il est permis de faire le qasr. Ça va? Et nous allons voir quel est ce voyage-là. وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ Et aussi ils sont unanimes. أَلَّا تَقْصِيرَ فِي صَلَاتِ الْمَغْرِبِ Qu'il n'y a pas de raccourcissement dans la prière de Maghrib. وَصَلَاتِ الصُّبْحِ Et la prière de Subh. Ça va? قال ابن حزم il dit واتفقوا ils sont unanimes على ان من حج او اعتمر او جاهد المشركين ils sont unanimes que celui qui fait le hajj celui qui fait la umrah celui qui va combattre les associateurs او كانت مده سفره ou bien le délai de son voyage est 3 ايام فصاعدا et 3 jours et plus فَصَلَّ الزُّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكَعْتَيْنِ il prie zuhr et asr 2 rakat فَقَدْ أَدَّى مَا عَلِي il a fait ce qui lui est incombé ça va ولكن mais اختلف أهل العلم في حكم القصر للمسافر on va voir cela d'abord avant de voir la mudda salasatu ayyam ou bien yawm wa layla ou bien plus que cela on va voir la mudda après mais là on va se statuer ici d'abord sur le hukm de salat al musafir parce que l'auteur du livre qui est l'imam Shawkani il a dit quoi il a dit yajibu al qas hal huwa wajib est-ce que c'est wajib am mustahab ou bien préférable ça va Vous allez voir le dalil, les preuves de ceux qui disent que c'est wajib. Et les preuves de ceux qui disent que c'est mustahab. Tayyib. Zahaba bahdu ahli al-ilmi. Certains savants sont allés ila al-wujub. Vers l'obligation. Wastadallu. Et ils ont argumenté bi qawli Aisha. Avec la parole de Aisha. Radiallahu ta'ala anha. Quelle est la parole de Aisha? C'est le hadith qui vient dans Al-Bukhari et Muslim. Écoutez la parole de Aisha. Et vous allez voir que le argument aussi est vraiment qawi. Hein? Aïcha dit awwaluma furidatus salat. Le premier moment où la prière a été rendue obligatoire sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait rakatayn rakatayn fil hadori wa safar. Lorsqu'il était résident, il était en voyage. C'était deux rakat, deux rakat. Fa uqirrat salat as-safar. Mais la prière du voyageur est restée ainsi. Wazidat fi salat al-hadar. Et la prière du résident a été ajoutée. Aïna Dalil, qui peut lever la main pour donner la preuve dans cette parole de Hajj? Non? Elle est restée intacte. Ça veut dire que la prière du voyageur est restée intacte parce que au début, c'était deux rakas. C'est resté intact. Donc ça veut dire que c'est ce qui est l'obligation. Ça va? Celui maintenant qui doit venir ajouter doit porter une preuve. Ça va? Sinon, ça doit rester comme ça. Voici la preuve, la première preuve. Ça va? C'est-à-dire, c'est Mutafakun Ali. An ibn Abbas. Le hadith d'Ibn Abbas qui est rapporté par l'imam muslim. Il dit Farad Allahu Salat ala lisan nabiyikum. Ibn Abbas dit Allah ordonné la prière sur la langue de votre prophète fil hadori arba'an. C'est-à-dire celui qui réside, Allah a rendu la prière obligatoire 4. Wa fi safari rak'atayn. Allah a rendu obligatoire pour celui qui est en voyage 2 rak'ah. Wa fil khawf rak'ah. Mais dans la prière de la peur, 1 rak'ah. Voici la deuxième preuve. وقال بوجوب القصر a dit aussi l'obligation du raccourcissement غير واحد من الصحابة plusieurs compagnons وغيرهم et d'autres وأما voici la preuve il y a plusieurs compagnons aussi qui ont dit que c'est obligatoire la prière du le qasr est une obligation. C'est-à-dire, si tu es en voyage, tu n'as pas le droit de faire autre que le qasr. Ça va? Le raccourcissement. Tayyib, nous allons voir maintenant la preuve de ceux qui disent que ce n'est pas une obligation. Mais si tu le fais, tu as pris la ruqsa, l'autorisation, la permission, la facilité. Mais si tu ne le fais pas, là, tu n'as harik. Il n'y a pas de péché pour toi. وأما من قال بأن للمسافر أن يتم ويقصر. Quant à celui qui dit que le voyageur peut compléter 4 rakas ou bien peut raccourcir, ça dépend de lui. Ça va? فاحتج بفعل عثمان. Celui qui dit cela s'est basé et argumenté avec l'acte de Ousmane. Parce que Ousmane, فَالْقَدْ أَتَمَّ وَهُوَ مُسَافِرُ Il a complété pendant qu'il était en voyage, et c'était pendant le Hajj. Il a complété, وَصَلَّ خَلْفَهُ الصَّحَابَ Les compagnons ont prié derrière lui, وَتَابَعُوهُ عَلَى ذَلِكَ Et l'ont suivi. Au lieu de 2 rakas, Ousmane a fait 4. Et les compagnons l'ont suivi. Tayyib. Parmi ses compagnons, il y a Ibn Mas'ud. Radiallahu ta'ala anhum. Ta'arifuna makan Ibn Mas'ud? Tayyib. Walau kana al-itmam ghayru ja'iz, si le fait de compléter sur le qasr, les deux rak'at de salat al-musafir n'était pas permis, ma atammu khalfa. Les compagnons n'allaient pas compléter avec Ousmane. Wa in kana imaman, même s'il était imam. لأنه زاد في الصلاة parce qu'il a augmenté dans la prière ما ليس منها, ce qui n'en faisait pas partie. C'est-à-dire, si c'était tout sur le fait de dire que c'est obligatoire, ils n'allaient pas sur Ousmane. Ils allaient s'asseoir. Voilà où est le sahih. Ça va? Non. وكذلك احتجوا بالآيات بالآيات المتقدمة. Ils ont argumenté aussi avec le verset que nous avons vu. Ça va? Allah dit, وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح. Allah dit, فليس عليكم جناح. Alors que جناح, c'est le péché ici. C'est-à-dire, نفي الجناح الذي هو الاسم. Le fait de nier le péché qui est, le جناح qui est un péché. Le fait de nier sur le péché n'indique pas l'obligation. Ça veut dire que si Allah dit vous n'avez pas de péché à raccourci, ça veut dire que si vous avez fait, il n'y a pas de mouchkila. Ça va? Comme Allah vous dit, si vous avez fait ceci, vous n'avez pas de péché. Là-bas, c'est qu'on prie 4 à 4. Mais si vous avez fait le raccourcissement, vous n'avez pas de péché. Donc ça veut dire que si je n'ai pas fait le raccourcissement, hala, jayit, c'est bon. Ça va? Ah. C'est pour le Ousmane là. Il y a d'autres qui ont augmenté pour dire non, Ousmane, il a fait 4 à 4. C'est ce qu'ils ont dit. Et lui, il était où? Ousmane, il résidait où? Il réside à Médine. Rasoul Srasan n'a pas aussi certaines de ses familles à Makkah. Les autres compagnons n'ont pas certaines de leurs familles là-bas. Et pourquoi? Ils ne font pas les quatre en même temps. Ils sont des voyageurs. C'est comme toi, tu vas au village. Tu as ta famille là-bas, non? Est-ce que tu vas dire que je ne raccourcis pas parce que j'ai ma famille là-bas? Bon, la partie là, il doit vous mettre aussi. Non, il y a parents et puis il y a famille. Hein? Il dit quand il y a ta famille là-bas, c'est-à-dire tes femmes et puis tes enfants, là, voilà, c'est ça qu'on dit, toutes les familles. Dans son explication, il dit, mais là, tes parents, là, sont bon, les gens de ton village, là, voilà, là, arrivé là-bas, tu peux faire les deux là-bas. Non, Al-Aslou, c'est que si tu ne résides pas quelque part, tu ne fais pas le. Tu complètes pas. Tu peux faire le qasr. Ça veut dire, si tu ne résides pas là-bas, ça va? Si tu n'es pas installé là-bas, tu fais le qasr. C'est compris? Ton endroit, comme on voit certaines personnes, ils laissent leur femme au village, auprès de leur maman. Et ils se déplacent, souvent ils vont faire une semaine au village, et puis ils viennent faire souvent un an en ville. Ça va? Ceux-là, leur endroit de résidence, c'est où? C'est dans la ville. S'ils vont au village, ils font quoi? Ils font le cross. Parce qu'en réalité, au village, ils sont en safar. Ils sont en voyage. Ça va? Ils sont en voyage, même si leur femme est là-bas. Puisque eux-mêmes, ils ne sont pas installés là-bas. Quand ils t'installent dans un lieu, c'est ce qu'on va voir ici, Inch'Allah. Voilà. Ceux qui disent cela ont argumenté la parole de ou l'action de Ousmane dans ce dont les savants n'ont pas donné comme argumentation. Ousmane a fait cela et hatta un compagnon, Ibn Omar, radiallahu ta'ala anhu, il a dit une parole bimana. Il n'eût été l'obéissant de l'autorité, je n'allais pas le suivre. Parce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a fait le qasr ici. Mais malgré l'obéissance de l'autorité, si ce n'était pas légiféré, Ibn Omar n'allait pas le suivre. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'obéit pas à l'autorité dans la désobéissance d'Allah. Ok? Taïb. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Non? Cette question-là, on va finir ici. Il faut laisser, on va finir notre dars. Hein? Je sais où tu vas en venir. Ça, c'est une masala qui va nous retarder. Après, si on a le temps, tu poses la question. Faut noter. Taïeb. Donc, nous continuons. Taïeb. Donc, وَيَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهَا رُخْصَىٰ. Et ce qui montre que c'est une permission, une facilité et pas une obligation, c'est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Sadaqatun tasaddaqa Allahu biha alaykum ». Cette parole est tellement claire. C'est-à-dire le qasr dans le voyage est une aumône qu'Allah vous a accordée. C'est clair ou pas? C'est clair pour montrer que ce n'est pas une obligation de faire le qasr. C'est une sadaqa. Il a dit « Faqbalu sadaqatahu ». Acceptez la sadaqa d'Allah. Ça va? فالصدقه تكون رخصه. La sadaqa est une permission. Naam. Naam. Une facilité. طيب. Naam. ثم ان عائشه. Ensuite, nous avons encore un argument. Aïcha elle-même qui a rapporté ce hadith que nous avons vu. Que ceux qui disent que c'est une obligation utilisée comme preuve, Aïcha radiallahu anha sabata annaha atammat fi safar. C'est venu de façon authentique que Aïcha même a complété dans le voyage. Ça va? Donc, le Cheikh Ali Ramli, il dit, فالذي يظهر, ce qui est apparent, أن القصر ليس wajiban. Le raccourcissement n'est pas une obligation. Wal fariqani, mais les deux groupes, hujjatuhuma qawiyya. Mais leurs preuves sont solides. Tayyib? Ou bien? Abu Abdurrahman? C'est solide. Mais tu choisis lequel? La facilité. Alors, Wassohi. Léana, même lorsque tu es, si tu vas sur l'obligation, si tu pries à la mosquée dans un voyage, tu seras obligé de faire le takhallouf avec ton imam. Parce que si l'imam prie deux rakas et qu'il se lève, toi, tu vas t'asseoir pour l'attendre. Alors que inna ma jouida l'imam yu'tam bihi. Si tu es en voyage, que l'imam, on voit certains frères faire cela, c'est une erreur. Si tu es en voyage, que l'imam prie 4 à 4, tu pries 4 à 4 avec l'imam. Ça va? Qala al-mu'allif rahimahullah. Nous avons fini cette masala. Le mu'allif dit, ala man kharaja min baladihi qasidan lis-safar. Il incombe à celui qui sort de son pays, qasidan, ayant pour intention et but de voyager. C'est-à-dire, yajib al-qasr. Le qasr est obligatoire. On revient toujours sur l'obligation. Ala man kharaja min baladi. Pour celui qui sort de son, de sa ville, qasidan li safar. Ayant pour but de voyager. Fahaza wal musafir. C'est celui-là qui est le voyageur. Alladhi kharaja min mahalli iqamati. Qui est sorti de l'endroit où il réside. Qasidan li safar. Ayant pour but de voyager. Ça va? Et on va déterminer le safar. Ça va? On va déterminer le safar. Walakin, si le safar, qui est le voyage qui autorise le qasr, si c'est ce voyage qu'il veut faire, dès qu'il sort de chez lui, ayant pour but de voyager dans son intention, alors il n'attend pas à traverser tout le nombre de kilométrages qui est dit avant de commencer à faire le safar. Mais il commence, enfin le qasr, le raccourcissement, mais il commence dès lors où il a quitté de l'endroit de sa iqama. C'est ce que le mu'allif veut dire ici. Ça va? Non. L'exemple, comme si il quitte Kanyama, non. Il va à Bonoua. À Bonoua. C'est-à-dire, au jour où il trouve à Treshvi. Non. Il quitte à Kanyama avec l'intention d'aller à Bonoua. Mm-hmm. Yubé Holak, il t'a autorisé de faire ceci. Ça va? Il t'a autorisé de faire cela et nous allons voir. Si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, avant de voyager, le Zuhr n'était pas encore arrivé, il partait et arrivé devant, il faisait Jam ou Tahir. Mais lorsqu'il décidait de voyager et qu'il était déjà l'heure du Zuhr, il faisait les deux qasrs et puis voyageait. C'est-à-dire que dès qu'il avait déjà l'intention, qu'il sortait déjà, il faisait déjà le qasr. Ma femme? Non. Donc, ce que tu dis, s'il a par exemple l'intention de voyager, qu'il va par exemple à Bonoua et il arrive à Treshville, il est l'heure de la prière, yubihu lahu al-qasr. Il peut faire le qasr. À partir de là-bas. Ça va? Mais s'il prie derrière un imam, Yutim est complète. Ça va? Donc, Kala, l'auteur du livre dit, Wa in kana duna baridin. Si, même si le voyage est en dessous de ce qui est le barid. Barid, c'est une moitié de journée. Nisfu nahar. Ça va? Nisfu yawm, nisfu yawm, moitié d'une journée. Ça va? Ay wa in kana safaru masafatu safar aqall min barid. Même si c'est en dessous de la distance d'un barid. Barid, c'est la moitié de la journée. Ça va? Wal baridu nisfu yawm. Arba'atu farasiq. C'est quatre farasiq. Et nous allons voir les farasiq, ça fait combien? Mais ici, 4 farasiq ma yuqaribu 20 kilo. Ce qui est proche de 20 kilomètres. Ça va? Ce qui est proche. C'est-à-dire, eux à l'époque, on prenait, c'est pas les voitures, hein. Quand on dit barit, c'est celui qui marche à une distance de demi-journée. C'est ce qu'on appelle barid. Ça va? Donc, il mesure cela en 20 kilomètres. Même si le voyage est à Kalou Mizarik. Hein? Alors, il peut faire le qasr. Toyeb. وصحيح عندي ما الشيخ علي رامي دي سكي اوتنتيك شو موا ان مسيره يوم وليله que la distance qui autorise le qasr c'est une journée et une nuit, c'est-à-dire un jour complet 24 heures, comme on peut le dire. Ça va? لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها سفرا. Parce que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a nommé cela voyage. وهي أصح الروايات في حديث أبي هريرة. Et c'est la plus authentique des versions dans le hadith d'Abi هريرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم. Il dit le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم il dit لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. Il n'est pas permis pour une femme qui croit à Allah et au jour dernier أن تسافر مسيرة يوم وليلة de voyager une nuit et un jour ليس معها حرمة tant qu'elle n'est de mahram. Ça va? لأنه القول الذي عليه أكثر السلف رضي الله عنه. C'est sur cette parole est beaucoup de nos pieux prédécesseurs. Je fais juste une parenthèse ici. Le voyage de la femme sans mahram, une journée et une nuit, haramun fi l'islam. Sans mahram, c'est haram. Et il n'y a pas de complaisance dans cette masala. Parce qu'on voit certains qui essaient de dire non, tu vois, notre époque, pas notre époque, subhanallah. كأنك تتهم الله أنه ما كان يعرف أن هذا الزمن سيأتي. C'est comme tu es en train de nous faire savoir que Allah ne savait pas que cette époque allait arriver. Et le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, ça s'est limité à son époque. Là, wallah. Certains savants sont allés à dire que le maqsoud, c'est la sécurité de la femme. Donc, tant que la femme est en sécurité avec d'autres femmes, il lui est permis de voyager avec un groupe de femmes. Wada qawlun da'if. C'est une parole qui est très faible. Et ça vient d'un ijtihad. Il a déjà dalil. Si la preuve vient, on n'a pas besoin d'ijtihad. Est-ce que vous comprenez? Le hadith est très clair. La yahil. Il n'est pas permis. L'imraati. À une femme. Tu'minu billah. Regardez ici. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a. Allaqa zalika bi iman. Il a lié cela à la foi. Tu'minu billahi wal yawmil akhir. Qui croit en Allah au jour dernier de voyager sans un mahram. C'est interdit. N'importe quel walaw kana hajjan. Même si c'est un hajj, ce n'est pas permis. Beaucoup vont parler, non, vraiment, c'est comme, tout ça c'est des ta'wilat. Ce n'est pas permis. Wala wa sahih. Non, on va mettre un groupe de femmes. Aujourd'hui, dans le hajj, là, tout se passe. Ils choisissent même un mahram pour les femmes. Hein? Ils choisissent un mahram pour les femmes, un groupe de femmes. On dit, c'est votre mahram. Voulez-vous vous amuser avec la religion d'Allah? D'ailleurs, Hatta, allez-y à Jabani. C'est une femme qui a posé la question à Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Non, c'est Cheikh Ousseymin, rahimahullah. Elle a dit qu'elle est vieille. Elle est vieille. Elle n'a personne pour l'accompagner dans le hajj. Mais malgré l'âge de la vieillesse, est-ce que elle peut être accompagnée? C'est-à-dire, est-ce qu'elle peut aller seule? Le Cheikh lui a dit là. Non. Sauf avec un mahram. Mais on voit les gens qui font des compromis dans cela. Ce n'est pas permis. C'est mieux d'interpeller les musulmans sur cela. Cheikh Mohamed bin Saïd Raslani dit, si une femme va faire le hajj sans mahram, son hajj n'est pas accepté. Parce que la ya'til qaboul bil ma'asiyah. Une acceptation ne vient pas avec une désobéissance d'Allah. Ar-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à un homme d'aller accompagner sa femme dans le hajj pendant qu'il voulait aller faire le djihad avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit accompagne ta femme pour le hajj. Est-ce qu'elle a un mahram là? Accompagne-la. Il n'y a pas de compromis dans cela. Si on veut faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné, on le fait. Avec la manière. On ne fait pas de plan dans le dîn. Choisir des maharim pour une femme ou bien dire non. S'il y a un groupe de femmes qui l'accompagnent, si c'était légiféré, les salafs allaient accompagner avec un groupe de femmes. N'est-ce pas? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam allait autoriser cela. Wa ma kana rabbuka nasiya. Allah n'oublie pas. Allah n'a pas oublié. Si ça se faisait, la bayyanu zalik. Mais beaucoup font ce plan-là. Allahumma musta'an. Surtout si ça arrive, tu verras, beaucoup de femmes vont faire le hajj sans maharam. Sans maharam. Et on les prenne et puis on les trouve un maharam seulement. Un seul maharam et puis on les donne, on dit allez-y. Avec, voilà votre maharam. Hein? A'udhu billah. Donc c'était juste une parenthèse. Tayyib. Donc ici, dans le hadith ici, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a montré le voyage ici, Masirata yawm wa layla. Donc ce hadith est venu dans les fatawa de l'imam Ibn Qayyim. طيب وقد اختلفوا في تقدير هذه المسافة بالكيلو. Les savants se sont divergés dans la mesure de cette distance en kilomètres. Une journée, une nuit, se sont divergés. Ça va? Ça fait combien de kilomètres? والأقرب, mais ce qui est le plus proche, أنها تقدر بثمانين كيلو تقريبا. Et que on mesure cela, ce qui est plus proche, c'est 80 kilos. 80 kilos, kilomètres. Hein? Taïb, c'est ce qui est Moubih l'Qasr. Donc, si tu as l'intention de faire un voyage qui est à 80 kilos ou plus, ça va? Donc, tu prends l'intention, tu sors, tu peux déjà commencer à faire ton qasr. Ça va? Mais en dessous de cela, il n'autorise pas les savants. Qala al-Bukhari. L'imam Bukhari, il dit, dans son authentique, وَسَمَّ النَّبِي سَلَسَمْ يَوْمَ وَلَّيْلَ سَفَارًا. Le messager d'Allah sera nommé un jour et une nuit voyage. وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما ابن عمر ابن عباس قال لزغري يقصيران الى كرسيس ويفطران اين جنبا في اربعه برود دا كات برود وهي البرود سايسي سته عشر فرسخا. C'est 16 farsakh, alors qu'un seul farsakh est mesuré à 5 kilomètres. Calcul rapide. Hein? Un farsakh, ça fait combien? Hein? Ça fait 5 kilos, n'est-ce pas? Et c'était 16, ça fait 80. Ça fait 80. Ça va? Donc c'est le takdir que les savants ont donné. C'est ce qu'on a dit. Salasina kilo. Tayyib. Naam. Donc le farsak c'est 5 kilomètres. Takriban. Mais il a été dit aussi c'est 5 et demi. Alors qu'on est c'est pas moins de 5. Ça va? Donc Ibn Omar, Ibn Abbas raccourcissaient la prière lorsque c'était... C'était 80 kilomètres comme ça. Wa ma hadith Anas, quand le hadith de Anas radiyallahu ta'ala anhu alladhi qala fi, dans lequel il a dit qu'anna nabi sallallahu alayhi wa sallam idha kharaja thalathat amyal, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il sortait 3 amyal ou le farasikh ou bien farasikh salla rak'atayn, il priait 2 rak'at. Ça va? Il dit فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَا. Ici, cela peut prendre le fait que son sens soit أَنَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَ إِذَا خَرَجَ مُسَافِرًا سَفَرًا طَوِيلًا, que lorsque le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم sortait d'un long voyage, et pour aller dans un long voyage بَدَى بِالْقَصْرِ, il commençait à raccourcir بَدَى أَنْ يَقْضَى عَذِي الْمَسَافِ, après avoir déjà débuté cette distance-là. Ça va? Ici, amyal, c'est jam au mille. Le mille est calculé à 1200 mètres. Ça va? 1200 mètres, c'est 1 kilo, c'est ça? Hein? 1 kilo, 200 mètres. Toyib. Donc, il dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans l'hadith de Anas, lorsqu'il souhaitait salat au amyal, ça va? 3 amyal, c'est-à-dire 3 ou bien 4 kilos, par exemple, ou bien farasik, ou bien les farasik, ils priaient 2 rakats. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire lorsqu'il commençait le voyage, il commençait à faire le qasr. Voilà, yani, et ça ne veut pas dire anna hadhil masafa, que cette distance a ya ghayatu safari. C'est la limite de son voyage. C'est compris? Ce n'est pas la limite de son voyage. Le fait que il priait déjà après salasatu amyal. À 5 kilos déjà, il commençait à raccourcir. Cela ne veut pas dire que c'est la limite. C'est-à-dire, c'est ce qui veut dire qu'à partir de 5, un voyage de 5 kilos, on peut déjà raccourcir là. Mais ça veut dire que il partait dans un long voyage, mais à partir de 5 kilos, il raccourcissait déjà la prière. Voyez. Et c'est ce qui va clarifier ici la parole de Ibn Qudama et d'autres. Ibn Qudama il dit yahtamilu. Ici ça comporte annahu arada bihi idha safara safaran tawilan. Il a voulu dire que si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam voyageait d'un long voyage, qasara idha balagha thalathat ayyam, et commençait à raccourcir s'il arrivait déjà à 5 kilos. Comme il a dit dans une autre version, salasa amyal, c'est ce qu'on a dit, 1000. 1000, ça fait 1 kilo 200 mètres. Donc, salas, ça fait déjà quelque chose de 5 kilos. C'est ce que j'ai dit, non? Non. Donc, dans une autre version, il dit, inna nabi sallallahu alayhi wa sallam salla bil madina arba'an. Il a prié à Médine 4 à 4 wabizil. Huleifa, il a prié Rakatine, alors que Zil Huleifa n'est pas loin. C'est toujours dans Médine. Et c'est le miqat de ceux qui prennent le Ihram à partir de Médine pour aller au Hajj ou bien à la Umrah. Ça va? Intaha. Donc c'est-à-dire dans le même Médine, il a commencé à raccourcir. Donc ça répond à la question de Abu Mariam. طيب قال النووي في المجموع الإمام النووي دي دان لليف المجموع أما حديث أنس كانت حديث أنس فليس معناه son sens n'est pas أن غاية سفره que la limite de son voyage était ثلاثة أميال c'était ثلاثة أميال بل معناه au contraire, le sens annahu kana iza safara safaran tawilan, s'il voyageait d'un voyage lointain, fatabaada, et il s'éloignait, salasata amyal, à 3 amyal qui est équivalent à 5 km, qasra. Il commençait à raccourcir, walaysa taqyid, mais la limite du voyage n'est pas bi salasati, 3 amyal. Likawni la yajuzul qasr, car il n'est pas permis de faire le raccourcissement inda mufaraqatil balad, lorsqu'on se sépare seulement du balad. Mais il faut d'abord savoir, ça fait combien, est-ce que le voyage que tu fais est un voyage qui permet le qasr, qui est yawmun wa layla, mathématiquement 80 kilos, est-ce que le voyage vaut cela avant que tu commences à raccourcir? Mais si tu quittes seulement la ville, tu fais le qasr, c'est pas ce qui a voulu dire ici. C'est pas ce que veut dire le hadith. Bal, li annahu ma kana yahtaju ila al-qasr. Il dit, au contraire, ce qui a besoin du qasr, illa iza tabada al-qadr. Sauf si il s'est éloigné de ce qadr-là. Ce qu'on a dit, salasatu amyal, et son intention était de faire un voyage. لأن الظاهر أنه كان لا يسافر عند دخول وقت الصلاة. Ce qui est apparent ici dans le hadith de Anas est que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم il ne voyageait pas lorsque le moment de la prière rentrait إلا بعد أن يصليها, que après l'avoir prié. فلا تدركه الصلاة الأخرى, et une autre prière ne l'atteint illa wa qad taba'ada anil madina, sauf que il s'est déjà éloigné de Médine. Ça veut dire que si il voulait voyager, si c'est l'heure d'une prière, il priait la prière avant de décoller. Maintenant si l'autre prière l'atteignait, même si c'est après salasatu amyal ou bien après d'autres, alors il faisait le qasr. مفهوم؟ انتهى. وقال قول المؤلف: وإذا قام ببلد مترددا قصر إلى 20 يوما ثم يتم. Si il reste, c'est-à-dire dans un pays, dans un endroit, mutaraddidan, c'est-à-dire il n'est pas sûr de rester, il hésite entre le fait de rester et de partir. C'est ce qu'on dit mutaraddidan ici. Donc il fait le qasr jusqu'à 20 jours. Après les 20 jours, il commence à compléter. C'est ce qu'a dit l'auteur du livre, l'imam Shawkani rahimahullah. Mais la semaine prochaine, inshallah, nous allons voir, biznillahi tabaraka wa ta'ala, si l'imam Shawkani il est sur le sawab ici. Donne-moi les crayons, s'il te plaît. S'il est sur le sawab, ou bien il n'est pas sur le sawab. Ça va? Donc nous allons voir cela la semaine prochaine, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension et qu'il nous facilite la mise en pratique. On va finir cette masala en 2 assises. Parce qu'une assise, ça serait un peu difficile d'expliquer. Parce qu'il y a des détails à donner. C'est pas resté beaucoup, mais il y a des détails à donner. Ça va? Et ces détails-là, ça va prendre beaucoup de temps. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Donc, s'il y a des questions, sur ce qu'on a dit, non. Naam, vas-y. J'aimerais savoir. Ah. Parce que dans le tas, la distance à laquelle on peut commencer à rapprocher la prière, c'est environ 80 km. J'aimerais savoir si, par exemple, dans notre contrée, notre endroit, par exemple, partir à là où je vais, on considère ça comme un voyage et que. C'est une très bonne question. On va répondre à cette question la semaine prochaine. Ça va? Comme j'ai dit, il y aura beaucoup de détails à donner. Donc tu reviens avec ta question. Parce que ces 80 kilos là, c'est pas une unanimité chez les savants. Ça va? Deux savants disent que selon le Orf, ce qui est considéré comme voyage chez vous est un voyage. Ça va? Et on va voir les hadiths qui montrent que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ainsi que certains compagnons qui résidaient à Makkah ont fait les 2 rakat à Zulhulaifa Al-Muzdalifa Afwan. Naam. Ça va? Olakin, c'est sur cela beaucoup de savants se basent pour dire qu'il n'y a pas de distance connue. Tout ce qui est connu comme un voyage. Alors, est un voyage. Non, l'année surpassée, quand on était avec le Cheikh Tola Zaharan, Hafizahullah, quand on était à Tienfala, et on est quitté à Tienfala, on est arrivé à Masjid al-Sunna. La mosquée où se trouve le frère Abu Maimouna. Il a fait le qasr. Et il a soutenu la parole, il a dit aux gens de faire le qasr. Il y a d'autres qui l'ont fait, il y a d'autres qui ne l'ont pas fait. À la couleur, nous, on n'était pas concernés. Parce que nous, depuis qu'on a quitté là-bas, là, nous, on fait le qasr. Et on a quitté Abidjan, on fait le qasr déjà. Donc, c'est pour dire que il y a 2 savants qui sont sur cela. Et le dalil même que le Cheikh Tola Zaharan a envoyé, Hafizahullah, c'est le qasr de certains compagnons qui résidaient à Makkah. Lorsqu'ils sont arrivés à Muzdalifa, ils ont fait le qasr. Ça va? Donc, ici, il y a khilaf entre les savants au sujet de la distance. Mais je vous dirai ce sur quoi moi je suis. Voilà. Et qu'Allah nous préserve. Naam. Au sujet de l'air. Naam. Avant de décoller, si l'air rentre, je prends l'exemple. L'air de jour rentre peut-être à pas de midi 20. Naam. Je vais voyager à le midi 20. Naam. Tu fais le jour. Tu fais le jour normalement. Tu fais le jour normalement. Mm-hmm. Voilà. Tu fais jour normalement parce que tu n'as pas encore décollé. Ah ouais? Non. Non. La sola, ça c'est un autre bab. Hein? On fait quoi? On va faire l'ikama avant de brosser les rangs. Le fait de faire la ikama avant de dresser les rangs. D'abord, ce qui est venu des salafs, de Omar ibn Khattab, de certains parmi les khalifas, ils dressaient le rang, l'imam me mettait à la maison. Et on partait le prévenir pour dire les rangs sont dressés. Et lorsque lui rentrait, c'est à la présence de l'imam qu'on fait le l'aïqam. Ça va? Dressait le rang. Hatta Omar ibn Khattab radiallahu anhu, il chargeait quelqu'un d'aller dresser les rangs. Qabla yadkhul al-masjid. Donc ça c'est connu. Dresser les rangs. Et si on veut faire l'aïqama et que les gens maintenant viennent, là ishkala fi zalik. Mais l'imam doit se rassurer maintenant parce que ça va prendre le temps. Normalement, un imam ne doit pas lancer takbir. Normalement, parmi ses wadifa, parmi ses fonctions et ses obligations, il ne doit pas lancer le takbir ou le ihram sans que les gens ne soient dressés. Là, c'est ce sur quoi le messager d'Allah sur la sainteté. C'est ce sur quoi ces khulafa qui sont venus après lui étaient. Dressaient tout le rang avant de lancer takbirat al-ihram. Bon, mosquée les khurafa, c'est pas facile. Hein. Souvent, moi-même, je prie dans certaines mosquées, wallahi, j'ai le cœur serré. C'est-à-dire, j'arrive, j'essaie de coller. Le gars, il pense que c'est l'orteil que lui, il penche et puis colle à ton pied là. C'est ce qui est le saf. Donc, quand tu essaies de coller, il s'éloigne. Quand tu essaies, subhanallah, c'est compliqué. C'est comme j'ai prié une fois au milieu de deux personnes. Je me suis dit, j'ai dit subhanallah, si j'avais même pas prié ici. C'est-à-dire, finalement, je suis resté seul au milieu. Ils se sont tous écartés de moi. Ah. On a fait un mètre, ou bien c'est quoi. Ah. J'étais là. Dans toute la prière, j'avais le cœur serré. J'étais même pas tranquille. Ah! Non, vraiment, si les gens comprenaient cela, mais là, ceux même qui n'ont rien compris du tawhid, n'ont rien compris de la religion, tu n'as pas venu les dire, voilà. À d'autres même, tu les dis, serrer les rangs, le shaitan va rentrer, lui dit, ah, toi aussi, shaitan peut rentrer ici, là. Comment il va rentrer? Shaitan rentre dans ta bouche. Le shaitan, il rentre dans ta bouche. Comment tes rangs, Mao? Avec deux d'aérés, là. Ou bien, quand tu bailles là, tu dois faire quoi? Sinon, le shaitan. Ah bon? Non. Ma question. Ah, mon ami. D'accord, vas-y. C'est juste qu'il blâmait un peu les gens qui rapprochissaient régulièrement. Lui-même, c'est plus Safa Marwa. C'est Safa, Marwa, Muzdalifa, et puis où ça? Kalafa Zirid. La parole, pour raccourcir ta question, la parole du juste milieu que j'ai vu chez les savants, tous ces endroits sont considérés comme son lieu de résidence. Ça va? Parce que s'il a déjà installé une femme là-bas et qu'il a une famille, alors c'est considéré comme un lieu de résidence pour lui. Ça va? Maintenant, les savants permettent entre les deux distances, ça va? Il peut faire le qasr. C'est compris? Mais dès qu'il arrive dans son lieu de résidence, il doit compléter. D'autres savants disent qu'il doit choisir un lieu qu'il considère comme son lieu de résidence. Il y a beaucoup de paroles à ce sujet. La Bouddha a dit, il ne faut pas me faire planter dans ma salle ici. Non. Oui, ici, comment? Oui, les savants qui, c'est ce que j'ai dit, les savants se divergent même sur le truc, c'est ce qu'on vient de voir là. Maintenant, ceux qui vont pour l'obligation du qasr, bon, c'est eux qui peuvent, c'est eux qui argumentent ainsi. Mais la réalité, ceux qui disent que c'est une sunna, on peut le faire, on peut pas le faire. Mais alors, Kulli Hal, Al-Mizan, la balance ici, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, falaysa alaykum junah. Antaqsuru mina salat. De raccourcir la prière. Mais ici, du moment où tu as l'intention de faire un voyage, alors, il t'est permis de faire le qasr jusqu'à ce que tu sois dans un endroit de stabilité. Où tu sais que dans cet endroit-là, tu ne vas pas quitter cet endroit. Tu as l'intention de t'installer. Alors que celui qui a trois femmes dans trois villes différentes, dans toutes ces trois villes différentes, il a l'intention d'installer sa famille. Tu as compris? Il a l'intention d'installer sa famille, donc ça devient un endroit de résidence pour lui. Ça va? Il peut raccourcir comme il peut raccourcir dans le mouda du voyage. Mais quant à la résidence, là en ce moment, il fait 4-4. Normalement, si il a, c'est ce qu'on va voir dans la masala qui va venir, Inch'Allah, la semaine prochaine. S'il a l'intention de s'installer seulement, hein, alors automatiquement il devient résident. Ça va? S'il n'est pas mutaraddid. Tu as compris? Mais si tu as déjà ta femme et puis tes enfants quelque part, tu es déjà installé, tu fais seulement la navette. Ah. La dernière question, il est l'heure. Oui. Maintenant, bon, dans nos contextes ici, et si tu voyages, peut-être que tu es dans un et tu es bloqué d'un nombre, et jusqu'à un acte attrapé, mais tu n'as pas atteint le nombre de kilomètres. Bon, sur le mizan qu'on a dit, si tu n'as pas atteint, tu ne fais pas. Sur le mizan qu'on a dit, mais c'est ce que j'ai dit, on va voir plus en détail la semaine prochaine dans les autres masail. Est-ce qu'il faut forcément attendre cette distance ou pas? C'est ce qu'on va voir, Inch'Allah. Hein? Rends-nous d'accord la compréhension. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum. Rahmatullahi wa barakatuh.